Bonsoir et merci d'être à l'écoute d'Amandla sur les ondes de CKUT 90.3 FM. C'est désormais officiel, depuis le 23 septembre dernier, le Royaume du Maroc a soumis une demande d'adhésion à l'Union africaine, lui qui n'était déjà plus membre de l'ancienne OUA depuis novembre 1984. Cette officialisation n'est sans doute pas une surprise, puisqu'en juillet dernier, à l'occasion du 27e sommet de l'Union africaine tenu à Kigali, au Rwanda, par son allocution remise à M. Idriss Déby en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le souverain marocain plaidait, et nous citons, pour que le Maroc ne demeure pas en dehors de sa famille institutionnelle et puisse ainsi retrouver sa place naturelle et légitime au sein de l'Union africaine, fin de citation. Après avoir souligné, cela fait longtemps que nos amis nous demandent de revenir parmi eux pour que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle. Ce moment est donc arrivé. Après réflexion, il nous est apparu évident que quand un corps est malade, il est mieux soigné de l'intérieur que de l'extérieur. Fin de citation. Selon l'acte constitutif de l'Union africaine, l'admission est ouverte à tout État africain faisant connaître son intention d'adhérer à l'acte constitutif et à être admis comme membre de l'Union africaine en soumettant une notification au président de la Commission, ce qui fut fait le 23 septembre dernier. Les États membres reçoivent copie de cette notification et l'admission est décidée à la majorité simple. Chaque État membre transmet sa décision au président de la Commission, lequel communiquera à l'État requérant la décision d'admission après réception du nombre de voix requis. Le Royaume du Maroc s'était retiré de la défunte OUA en novembre 1984, après que la République arabe sahraoui y eut adhéré. Entre revendication du peuple sahraoui à l'autodétermination et la revendication de souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, cette opposition est au cœur de la demande d'adhésion du Maroc à l'Union africaine, comme en témoigne largement le contenu de l'allocution du roi du Maroc en juillet dernier. Sachez d'ailleurs que l'intégralité du message du Royaume du Maroc à l'Union africaine est disponible sur le site web du ministère marocain des Affaires étrangères au www.diplomatie.ma. Or, il se trouve que la République arabe sahraoui est un État membre de l'Union africaine. Une motion adressée par M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, au nom de 28 États membres, aurait été soumise en vue de la suspension de l'Union de la République arabe sahraoui. Ces États membres sont les suivants: le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, Cap-Vert, Comores, Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Érythrée, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Libéria, la Libye, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao Tomé, le Sénégal, les Seychelles, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Swaziland, le Togo et la Zambie, groupe auquel s'est joint depuis peu Madagascar. Certaines sources journalistiques mentionnent que cette motion pourrait être soumise au vote des États membres en janvier prochain et qu'elle aurait même toutes les chances d'être acceptée. Mais dans sa version actuelle, l'acte constitutif de l'Union africaine prévoit la suspension d'un État membre lorsque son gouvernement accède au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Alors, si d'aventure la motion devait être adoptée, sur quelle base la suspension de cet État, c'est-à-dire la République arabe sahraoui, se justifiera-t-elle alors ? Bonsoir et merci d'être à l'écoute d'Amandla sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Nous revenons ce soir sur la demande d'admission du Royaume du Maroc à l'Union africaine. Dans son message à l'Union africaine, le souverain marocain a souligné notamment la contribution de son père et grand-père au panafricanisme, de même que le rôle du Maroc en termes de coopération sud-sud. Il y évoquait également, et nous citons, la contribution aux opérations de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, aux efforts de médiation dans la région du fleuve Mano et récemment en Libye et à la reconstruction post-conflit en Guinée, au Sierra Leone, au Mali et en Guinée-Bissau. Fin de citation. Nous remarquerons qu'à l'exception d'un seul État, le Mali, tous les autres qui ont été cités dans cette allocution sont signataires de la fameuse motion qui viserait à suspendre de l'Union africaine l'État membre qu'est actuellement la République arabe sahraoui. Les propos tenus sont durs lorsqu'est abordé par la suite le dossier justement de la République sahraoui, à laquelle il y est référé en ces termes « pseudo-État », entité ne disposant d'aucun attribut de souveraineté, démunie de toute représentativité ou effectivité, ou encore État fantôme. Le contexte d'admission de la République sahraoui au sein de l'OUA, il y a plus de 30 ans, est qualifié de blessure, de coup d'État contre la légalité internationale, d'adhésion par effraction et connivence d'une entité non souveraine, une tromperie, un détournement de procédure au service d'on sait quels intérêts, un acte comparable à un détournement de mineur, l'OUA étant encore adolescente à cette époque. Fin de citation. Entre remontrances, rapprochements et promesses d'avenir commun, le message appelle à écarter les manipulations, le financement des séparatismes, de cesser d'entretenir en Afrique des conflits d'un autre âge pour ne privilégier qu'un choix, celui du développement humain et durable, de la lutte contre la pauvreté et la malnutrition, de la promotion de la santé de nos peuples, de l'éducation de nos enfants et de l'élévation du niveau de vie de tous. Fin de citation. Serait-ce là un message aux États qui soutiennent la revendication à l'autodétermination du peuple sahraoui, au nombre desquels l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui pourraient à leur tour répondre au Royaume du Maroc en lui retournant le même message. Enfin, le texte se conclut ainsi. Il, en référant au Maroc, est confiant dans la sagesse de l'Union africaine pour rétablir la légalité et corriger les erreurs de parcours. Comme le dit le proverbe, la vérité n'a point d'autre preuve de son existence que l'évidence. Nous vous invitons à prendre connaissance du texte intégral de ce message que nous vous avons dit être disponible sur le site du ministère des Affaires étrangères du Maroc au www.diplomatie.ma pour juger par vous-même à la fois de son contenu, car le texte est long, nous n'avons choisi que quelques extraits, mais aussi du ton adopté. De même, vous retrouverez sur le site web de l'ONU un résumé de son rôle dans le règlement du différend ainsi qu'un compte-rendu des échanges relatifs à la situation du Sahara occidental qui ont lieu au sein du comité spécial de la décolonisation de l'ONU. Alors, à la lumière du contexte que nous évoquions plus avant lors de l'émission, dans quel état sera l'Union africaine au sortir de la joute politico-juridique qui se poursuivra durant le processus d'analyse de cette demande d'admission, voire au-delà, lorsque l'adhésion d'un nouvel État membre peut se faire au prix de la suspension d'un autre État membre? Quoi qu'il en soit, ainsi que le souligne également le message du roi du Maroc, les revendications du peuple sahraoui dépassent largement le cadre de l'Union africaine. Elles occupent l'ONU depuis de longues décennies sans que l'on en soit encore arrivé à un règlement. Comment concilier des prises de position aussi tranchées que les principes et objectifs prônés par l'Union africaine, parmi lesquels ceux de réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique, défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres, promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Parmi la longue liste des principes que l'Union s'est donnés pour guider son fonctionnement se retrouvent également ceux de l'égalité souveraine et de l'interdépendance de tous ses États membres, de même que le respect des frontières existantes au moment de l'accession à l'indépendance. Un autre défi pour cette institution qui célébrait aujourd'hui sa journée. En effet, le 28 septembre marque la journée de l'Union africaine, célébrée depuis 1999, année de la déclaration de Sirte relative à la création de l'Union. Au programme de la journée, souligné à Addis Abeba au siège de la Commission, des discussions sur l'agenda 2063, histoire et témoignages sur l'OUA et l'actuelle Union africaine, ainsi qu'un volet sport et culture. Toutefois, aucune indication quant à des célébrations que l'on peut qualifier de populaires sur le continent. Voilà, nous arrivons au terme de la chronique en français. Nous surveillerons l'évolution des événements dans le dossier de l'adhésion du Maroc à l'Union africaine et peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur les revendications des partis dans le dossier du Sahara occidental.